Et pour l'instant, eh bien, on parle avec Raymond Poirier pour la chronique TI. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Alors, toujours dans le cadre de tes fonctions de chargé de communication. J'ai oublié ton titre. À l'Institut technologie de l'information et société de l'Université Laval. Je le disais toutes les semaines, mais j'arrive pas à m'en rappeler. C'est parfait. Alors, ce soir, tu nous parles d'une étude sur les besoins de compétences dans le développement d'applications mobiles. Exactement. Il faut dire que, de manière générale, je pense qu'on dit à peu près à chaque année, quand les enquêtes sur l'emploi sortent, qu'il y a quand même pas mal de possibilités d'emploi dans le domaine des TI. Et à l'intérieur de ça, ben, on pourrait imaginer aussi, quand on parle de manière globale de l'emploi en TI, ben, qu'il y a de plus en plus d'importance qui risque d'être donnée au fil des années à venir et depuis quelques années au développement d'applications mobiles. Si on le regarde simplement d'un point de vue statistique, là, l'utilisation du portable, l'utilisation du mobile, l'utilisation du iPad, eh ben, en fait, aux États-Unis, on parle d'un adulte sur deux qui possède au moins une tablette numérique ou un téléphone intelligent. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, à peu près 22% qui auraient une tablette numérique, 44% qui auraient un téléphone intelligent. Au Québec, on parle en 2012 de 31,5% des adultes qui ont un téléphone intelligent. C'est une hausse d'à peu près 15% depuis 2010. Donc, c'est quand même de plus en plus répandu. Évidemment, quand on parle d'une tablette numérique ou d'un téléphone intelligent, on grimpe aussi un peu à 36,2%. Quand on observe les tendances d'achat des adultes québécois actuellement, il y aura à peu près 10% des gens qui planifient de faire l'achat d'un téléphone intelligent au cours de la prochaine année, 10,5% pour une tablette. Alors, on le voit, et je pense que encore là, c'est un autre élément qu'on répète régulièrement, mais les gens ont de plus en plus de mobiles, les gens se tournent de plus en plus vers le mobile, et on se rapproche tranquillement d'une situation où ça va être un appareil qui, certes, est déjà très répandu, mais qui le sera encore plus, qui sera peut-être généralisé d'ici quelques années. Mais quand on parle d'application, on parle vraiment d'une application qu'on va aller télécharger dans un magasin d'applications, et non pas le fait qu'un site Internet soit adapté au mobile. Donc, exactement. C'est différent. En fait, il faut dire que ça, c'est un grand débat, à savoir est-ce qu'on est mieux d'avoir un site adapté au mobile ou une application? C'est un débat qui a ses défenseurs d'un côté comme de l'autre, mais ici, effectivement, on va parler plutôt d'application à proprement parler. Parce que, évidemment, on a l'appareil, on a de la place de chargement, on va mettre de la musique, on va mettre des vidéos, on va mettre des photos, mais aussi, les gens téléchargent quand même beaucoup d'applications. Alors, évidemment, ça veut dire que s'il y a de plus en plus de gens qui ont des téléphones cellulaires, il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir des applications pour meubler leur téléphone cellulaire, qui vont répondre à différents besoins. Et c'est un phénomène d'ailleurs qui est observable. Plus il y a de gens qui ont des téléphones, plus il y a de gens qui veulent avoir des applications. Donc, c'est quelque chose que Technocompétences a observé dans le cadre de cette étude-là. Et Raymond, je vais témoigner, étant moi-même une jeune utilisatrice de tablettes, on a l'impression qu'il y a une application pour tout. Mais à force de les utiliser, des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement l'application qu'on veut. On a tellement l'impression qu'il y en a une pour tout, qu'on a l'impression de taper ça et qu'on va trouver ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. Il en manque encore quand même des applications qui pourraient être bien utiles. Oui, en fait, et parallèlement, il manque peut-être aussi dans certaines langues des applications qui pourraient être utiles, mais en français, des ouais, applications qui pourraient être utiles, mais en espagnol, etc., etc. Si on regarde simplement au Québec, on parle d'à peu près 200 entreprises de services informatiques qui offrent des services de développement d'applications mobiles. Donc, c'est pas énorme, tout compte fait. C'est des entreprises qui sont les premiers employeurs de professionnels en TI qui ont les compétences pour réaliser des projets de développement d'applications mobiles. Les autres qui sont susceptibles, justement, d'aller développer de ce type d'outils-là, eh ben, sont peut-être plus dans des grandes entreprises où ils pourraient avoir une équipe dédiée à un projet, à des projets d'applications mobiles. Et sinon, au niveau des jeux sur téléphone intelligent, sur iPad, on parle d'à peu près 35 entreprises qui sont actives là-dedans de manière assez intense. Donc, c'est encore là pas des chiffres énormes, ça devrait tendre à augmenter. En 2013, on parle d'à peu près 4000 personnes qui sont spécialisées comme professionnelles dans le développement d'applications mobiles. Donc, c'est leur travail à temps plein, leur travail principal. C'est une estimation qui demeure quand même prudente parce que à ça, eux, chez Technocompétences, ont choisi d'exclure un peu les travailleurs autonomes, donc ceux qui développent un projet de leur côté. Donc, ils ont décidé de se centrer sur des données qui sont peut-être un peu plus facilement observables, donc des entreprises enregistrées, des entreprises sur lesquelles il est possible d'obtenir des statistiques au niveau emploi. Ouais, parce que des gars dans leur sous-sol qui développent aussi des applications, mais ils sont sont pas comptabilisés, j'imagine. Exactement. Ils sont comptabilisés par après. Une fois que l'application est lancée et qu'elle obtient un certain succès, qu'il y a une entreprise qui est associée à ça, là, ils vont probablement se retrouver dans des palmarès ou dans des analyses comme celle-là, mais sinon, ben, c'est malheureusement plus difficile à évaluer. On parle donc d'à peu près, sur les 4000 personnes dont on parlait, il y en aurait le quart qui travaillerait dans le jeu vidéo. Donc, ça représente 11% en fait de l'emploi total de l'industrie du jeu vidéo au Québec, le développement de jeux sur application mobile. C'est quand même, encore là, pas inintéressant, et encore là, ça devrait aussi augmenter. De manière générale, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même, disons, beaucoup de différences entre le développement d'outils de logiciels et le développement d'applications mobiles. Donc, ça nécessite peut-être d'autres types d'équipes de travail, ça nécessite d'autres types d'organisation, et finalement, des postes qui sont quand même peut-être un peu plus spécifique pour justement éventuellement être en mesure de développer une spécialisation. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'en termes de spécialité, on parle de développeur programmeur qui est considéré comme le poste clé pour le développement d'applications mobiles, et ce tout particulièrement lorsque le projet est de petite envergure. Donc ce qu'on se dit, c'est que si on a un développeur programmeur, on est en mesure d'avoir un projet. Ensuite, il y a d'autres gens qui vont se greffer au projet, qui ont d'autres expertises et qui vont pouvoir le bonifier, mais c'est cette personne-là qui est jugée comme l'élément clé dans le développement. Mais pour l'instant, est-ce qu'on s'éparpille un peu dans les applications? On parlait du jeu tout à l'heure, là, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont spécialisés ou on fait un peu de tout en même temps quand on dit on fait des applications? Ben en fait, je pense qu'on fait un peu de tout, mais évidemment, soit on fait du jeu, soit on fait pas du jeu. C'est comme les deux grandes divisions. Évidemment, l'un permet de faire l'autre permet de faire l'un. Ça reste quand même des langages de programmation pour lesquels il y a une certaine similitude. Cela dit aussi, il y a un consensus dans l'industrie. Les employeurs de professionnels de TI spécialisés dans le développement d'applications mobiles sont confrontés à un problème de recrutement. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, on remarque qu'à peu près, pour 70% des entreprises consultées dans l'enquête, donc c'est quand même pas rien. Donc, on indique que d'ici les deux prochaines années, la demande pour ces professionnels en TI devrait être très, très forte parce que, justement, on essaie d'aller chercher des gens qui ont de l'expérience déjà, qui sont en mesure de comprendre les écueils auxquels ils risquent d'être confrontés dans ce type de développement-là. Et donc, on va demander aux gens d'avoir une certaine expérience, peut-être, si on décide de renforcer ce bassin-là. Et il y a le défi de la main-d'œuvre expérimentée. Donc, comme on disait, ceux qui viennent du logiciel, qui font le saut, ben, peut-être que ça risque d'être plus difficile. Peut-être qu'il va falloir rapidement intégrer aussi le développement d'applications dans certains cursus de formation, si ce n'est déjà fait, évidemment. Mais ça fait déjà un bout qu'on en parle, que ce sont des métiers d'avenir, sauf que ceux qui, la première fois qu'on l'a dit, ont écouté, finalement, ce sont eux qui auront les meilleurs emplois, finalement. Ce sont eux qu'on va rechercher. Oui, exactement. Et en même temps, c'est les spécialités aussi dont on va avoir besoin qui vont venir aussi définir notre degré d'intérêt peut-être pour des employeurs potentiels. En fait, s'il y a des gens qui disent, ça me tenterait peut-être de me lancer là-dedans, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait de manière générale? On cherche des gens qui sont capables d'un côté de développer le design de l'application, donc du design d'interface, de l'ergonomie, du prototypage, l'expérience utilisateur. On va chercher des gens qui sont capables de faire de l'architecture, donc de la conception, pour différents appareils mobiles, évidemment, parce qu'il y a différents types de codes. Faire du iOS pour Apple, c'est pas la même chose que faire du code pour Android. Qui vont comprendre des principes d'info nuagique, qui vont être capables de développer de ce côté-là, qui vont être capables de développer aussi des éléments liés à la sécurité en mobilité. On cherche des gens aussi qui sont capables de faire de la programmation, donc des applications hybrides, des applications natives pour iOS, pour Android, pour Windows Mobile aussi, qui est quand même dans le jeu. Oui. La programmation d'objets aussi, il y a quand même des langages, donc des langages qu'on reconnaît pour le développement de logiciels, donc Java, C++, etc., etc. Et en parallèle, il y a les gestionnaires des projets aussi, donc ceux qui s'occupent des affaires et des gestions liées aux applications mobiles, donc gestion pour les entreprises, gestion de projets, mise en marché des applications, etc., etc. Donc, c'est essentiellement ce qu'on risque de chercher au fil des prochaines années, au Québec comme ailleurs. Et ensuite, la grande question, ce sera quelle place tout ça va prendre dans l'écosystème technologique, donc de création informatique. Ça dépendra aussi, d'une certaine façon, de la place, par exemple, que le Canada va prendre sur cet échiquier-là, le Québec va prendre versus l'Ontario, versus les États-Unis, versus d'autres régions comme ça, pour réussir à percer, pour réussir à faire sa place, pour réussir aussi à réussir à produire un projet qui sera structurant et qui amènera peut-être ensuite une pléiade d'autres projets. Faut trouver son Candy Crush, son Flappy Bird et autres types d'applications si on est dans le jeu. Si on est dans des applications plus de productivité ou autre, encore là, il faut quand même réussir à mettre de l'avant un outil qui va être en demande, qui va être utilisé, puis éventuellement créer un engouement autour de cet outil-là. Donc, les métiers en TI, finalement, en application, c'est une bonne voie vers laquelle se diriger. Oui, mais en fait, dans la mesure où, effectivement, il risque d'avoir plus de demandes, il risque stratégiquement pour les entreprises, comme on le disait, de développer cet axe-là. Alors, ce serait intéressant. En fait, les besoins de formation continuent indiqués par les employeurs pour des professionnels en TI dans le développement d'applications mobiles visent donc, d'abord, l'acquisition de compétences spécifiques à chaque système d'exploitation mobile. On parle donc d'à peu près 50% des entreprises qui ont des besoins pour Apple, pour iOS, 40% pour Android, pour Windows Mobile, on parle d'à peu près 24%, et il y a 20% qui disent qu'ils en ont besoin pour BlackBerry, ça risque de décroître, par exemple, évidemment. Ouais. On parle de langages de programmation aussi, donc des langages de programmation web qui sont quand même sollicités, notamment, on imagine, pour les sites mobiles, entre autres. On parle de compétences spécifiques aussi, évidemment, à ça, donc certains langages de programmation intégrés. Donc, de manière générale, en fait, on est face à un écosystème qui se développe parce que du côté des centres de formation, on intègre aussi ces préconisations-là, ces éléments-là à des cours, à des cursus. Il y a des attestations professionnelles qui sont en développement. Il y a des pans de certains programmes qui intègrent aussi ça et ça se fait quand même tranquillement. Donc, effectivement, si quelqu'un se lance maintenant, ben il y a des demandes, mais il va savoir qu'il va en avoir plus de demandes et que la demande risque d'être croissante au fil des prochaines années. Donc, date limite, normalement, 1er mars pour s'inscrire dans les trucs. Raymond, est-ce que ça fait le tour de cette étude? Oui, mais en fait, c'est assez intéressant. Si les gens veulent en savoir un peu plus, d'ailleurs, en cherchant technocompétences en un mot sur le web, ils vont tomber un peu là-dessus. De manière générale, en fait, la conclusion, peut-être qu'il y a quand même certaines réserves qui sont importantes de mentionner. Eux disent, regardez, il est quand même difficile de prévoir le rythme et l'ampleur que la croissance de la demande va prendre au cours des prochaines années. Un constat qui justifie le besoin d'une offre de formation adéquate pour permettre la spécialisation des professionnels. Mais évidemment, ça implique aussi que les gens qui veulent se spécialiser là-dedans vont aussi être en mesure de faire autre chose. On n'a pas non plus se lancer dans une spécialisation uniquement liée au mobile pour justement rester plus agile, peut-être, entre les différents modes. Eh bien, voilà, on est averti. Raymond Poirigny, merci beaucoup. On retrouve les chroniques sur le site de l'ITIS. Oui, itis.ulaval.ca. Et on te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique TI. Merci beaucoup, Raymond Poirier.